La Rixosalia, sur le parterre, se fixe l'horizon. L'abîme étroit de mes convictions, que je détourne comme rien. Au paradoxe. Sur le front. Les horizons profonds. Un bruit de sa vie. Un pluie fine sur les vitres lisses, comme la lame. Passage du rasoir. L'eau. Crépite. La vapeur. Sur la cendre. Ma glace. Yes.